Frères et sœurs, vous pouvez éteindre vos cierges. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'origine de ces traditions liturgiques de la fête de la Chandeleur, de la fête de la présentation de Jésus. C'est le fameux pape Gélase qui, un jour, a voulu mettre en place cette procession jusque dans la cathédrale de Rome. Cette procession, et donc cette procession avec des chandelles, et il invitait le peuple chrétien de Rome à se rendre à cette procession pour entrer dans le temple, le nouveau temple, le temple qu'est l'Église, qu'est le corps du Christ lui-même. Alors, vous voyez, il a demandé à ces gens de venir et il a été très étonné de voir que, eh bien, le peuple s'est rassemblé en très très grand nombre et de très loin. On est venu de très loin pour cette première fête de la Chandeleur où on fêtait cette présentation du Seigneur en faisant cette procession aux chandelles. Et donc il a décidé de bénir les chandelles et de donc que ces chandelles puissent devenir un sacramental, c'est-à-dire un signe sacré pour notre monde. Alors il y a les chandelles que vous allez emporter chez vous, et puis il y avait aussi un certain nombre de chandelles qui étaient destinées à être brûlées dans l'église. Et puis voyant que ce peuple était affamé après toute cette marche en pèlerinage jusqu'à Rome, eh bien il a décidé de leur faire des petites galettes, de leur offrir des petites galettes. Et c'est l'origine de la tradition des crêpes, de la Chandeleur. Alors bien sûr, on peut donner beaucoup de symboles derrière ces crêpes. Elles sont rondes, elles sont jaunes, elles sont blanches comme le soleil. Et donc c'est toujours un lien avec cette lumière de Jésus, cette lumière de l'astre qui vient de l'Orient et qui vient nous illuminer. Alors, frères et sœurs, eh bien, ce que voulait le pape Gélase, c'était que le peuple de Dieu puisse revivre ce qu'ont vécu Jésus, Marie, Joseph, le prophète Siméon et la prophétesse Anne quand ils sont entrés dans le temple de Jérusalem en accompagnant le Seigneur qui entrait dans son temple et qui venait illuminer le temple. Il voulait que le peuple chrétien revive ce moment plein d'onction extraordinaire. Et vous sentez cette onction. Et d'ailleurs, il est assez commun de dire qu'au jour du 2 février, le diable n'est pas content. Et que bien souvent, il y a des épreuves ce jour-là. Il y a comme de l'électricité dans l'air. Parce que le diable n'aime pas cette fête, elle est pleine d'onction et donc elle est très puissante. Cette procession que nous avons faite est très puissante, spirituellement. Et le Seigneur l'a bénie abondamment. Alors nous sommes donc à Jérusalem aujourd'hui, tous ensemble. Et nous sommes avec la Sainte Famille qui est en train de gravir les marches qui mènent vers l'esplanade du Temple. Joseph, vous l'avez vu, il porte dans sa petite cage en osier deux petites colombes à offrir en sacrifice au temple, comme signe de consécration de Jésus premier-né, comme le demande la loi. Marie porte dans ses bras le petit enfant Jésus, âgé de 40 jours. Elle vient d'achever le temps rituel de sa purification après l'accouchement. Jésus est dans ses bras, il est tout emmailloté, il a les yeux clos, il a le cœur paisible, il est dans les bras de sa mère. Il y a quelques minutes, le vieillard Siméon était encore chez lui. Soudain, il s'est senti irrésistiblement attiré vers le temple, avec la certitude absolue qu'il y allait trouver le Sauveur que le monde attend. Le Saint-Esprit est descendu sur Siméon, comme il est descendu sur chacun d'entre vous ce soir, pour vous pousser à venir au temple. Le voilà donc Siméon qui surgit, tout essoufflé sur l'esplanade après avoir gravi 4 à 4 toutes les marches qui mènent vers le temple. Il cherche des yeux cette lumière, le roi d'Israël. Et voilà que son regard s'arrête tout net sur le couple et l'enfant, comme s'il venait de tomber devant le plus beau tableau qu'on ait jamais peint. Et le nom de ce tableau pourrait s'intituler « L'humilité d'Israël ». Tout est humble dans cette scène de la Sainte Famille, la démarche de Marie, de Joseph, le vêtement, le regard, la voix, les mots. C'est comme si, alors que Joseph et Marie s'avancent vers le temple en portant l'enfant Jésus, quelqu'un d'autre était en train de les porter. Ils sont si humbles, qu'on le sent bien, ils ne font rien d'eux-mêmes. Il y a une main qui conduit leur vie et à laquelle ils obéissent en tout. Le fruit du mystère, quand nous prions le chapelet, méditons ce mystère de la présentation de Jésus au temple, c'est l'obéissance. Alors il faut imaginer l'humilité de Joseph et de Marie, totalement obéissant à la loi qui leur demande de venir consacrer leur fils premier-né. Et cette obéissance, tellement pétrie d'humilité, rejaillit, elle jaillit comme une lumière. Et ça, le vieillard et Siméon et la prophétesse Anne l'ont immédiatement perçu. Ils ont senti cette main de Dieu posée sur cette famille du peuple d'Israël. Ils l'ont senti et ils ont reconnu cette main, parce qu'ils la connaissent bien aussi, cette main. C'est la main du Très-Haut, la main d'Adonai. Eux aussi, ils ont senti cette main se poser sur eux un jour. Ils ont entendu le cri d'amour du Seigneur, un amour jaloux, un amour personnel, un amour inconditionnel, un amour particulier. Et depuis ce jour, le cœur de Siméon et d'Anne est sans partage. Ils sont tout consacrés à cet amour de Dieu. Et c'est pourquoi ce jour aussi, vous voyez, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, eh bien nous prions particulièrement pour tous les consacrés, tous les religieux, les religieuses qui ont un jour quitté le monde pour venir se mettre au service totalement du Seigneur, pour se mettre au service de Dieu dans son temple. Leur maison, c'est le temple. C'est là qu'ils passent le plus clair de leur temps, près de Dieu, tournés vers Dieu, consacrés à Dieu et par Dieu. Ce soir, au temple de Jérusalem, à travers Siméon, Anne, Joseph et Marie, nous avons sous les yeux le peuple d'Israël, le vrai peuple d'Israël, le peuple consacré, le peuple élu par Dieu pour porter sur ses épaules le lourd poids de la révélation et de la loi. Et dans le secret du cœur, les membres de ce peuple vivent dans la paix de l'amour de Dieu, mais aussi dans une forme de souffrance. Et oui, vous l'avez entendu, alors que Joseph et Marie s'approchent du temple et du sanctuaire, leur est annoncé le mystère de la croix, le mystère du cœur transpercé de la Mère de Dieu, ce cœur transpercé que chaque chrétien, chaque consacré peut témoigner d'avoir ressenti un jour la blessure. La contrepartie de la connaissance de l'amour de Dieu par la révélation et par la loi, c'est qu'on souffre. On souffre de connaître mieux que quiconque, à cause de la loi, la misère et le péché des hommes. Israël, c'est le peuple qui, paradoxalement, sent mieux que personne les profondeurs des ténèbres dans lesquelles est plongée l'humanité. La vocation d'Israël, du vrai Israël, des consacrés à Dieu, c'est d'intercéder, d'exhorter, d'éclairer le monde de la lumière de la vérité qui délivre et qui sauve. Le véritable Israël, c'est donc le peuple des humbles, souffrant, mais confiant et patient. Le prophète Siméon et la prophétesse Anne sont de cet Israël-là. Ils supplient nuit et jour le Seigneur depuis des années, ils le supplient de sauver le monde. Ils espèrent, et leur espérance est ferme, que le Sauveur promis depuis la nuit des temps va venir. Le Sauveur, c'est lui qui doit enfin allumer la lumière de la foi véritable, celle qui donne la grâce, celle qui libère pour de bon le cœur de tous les hommes de leurs péchés. Celle qui suscite l'amour, celle qui suscite la charité plus forte même que la mort. Et sur l'esplanade du temple, alors que Siméon voit arriver la Sainte Famille, la voix intérieure de l'Esprit Saint se fait entendre clairement et distinctement, alors que ses yeux s'arrêtent sur le nouveau-né. C'est lui. C'est lui le Sauveur que tu attends. C'est lui le Sauveur de l'humanité, capable d'assumer par son humanité toute l'humanité et de la libérer du péché par sa victoire sur le diable et sur la mort, par sa victoire de l'amour. Jésus, lumière du monde, parce que tout en étant véritablement homme, il est aussi véritablement Dieu. Il dresse un pont entre Dieu et les hommes. Et ici, dans le temple de Jérusalem, il est par excellence le grand prêtre. Le seul vrai prêtre, c'est le propre du prêtre de faire le pont entre Dieu et l'homme. Jésus n'a que 40 jours, mais il est déjà le grand prêtre. Et Siméon l'a bien compris. Le voilà, celui pour qui ce temple a été bâti. C'est lui qui doit arracher du cœur du Père la flamme de la véritable espérance pour la faire descendre dans le cœur de tous les hommes de foi. Cette flamme qui transforme toute vie, qui change toutes les perspectives. Lorsqu'elle s'allume dans une âme, elle comprend que sa patrie est auprès de Dieu, que ce Dieu est un Père aimant et que désormais le chemin pour y parvenir est ouvert par Jésus. Alors bien-aimé Israël, aujourd'hui, eh bien vous avez compris, c'est nous. Nous sommes ce Siméon, cette Anne, nous sommes Joseph et Marie et nous accompagnons Jésus. Et nous recevons de Jésus cette lumière qui vient du ciel, qui vient de Dieu le Père et qui se dépose dans notre âme par la puissance de l'Esprit Saint. Les enfants d'Abraham, c'est nous. Le peuple des croyants, c'est nous. Et notre maison, la demeure de notre âme, c'est l'Église. Pas seulement le bâtiment de pierre ou de béton que nous voyons, mais bien le peuple de Dieu, le corps de Jésus, la famille des enfants de Dieu. Et c'est au cœur de cette famille que nous passerons notre éternité. Nous commençons dès maintenant et nous la poursuivrons après le grand passage de la mort, au cœur de cet Israël, ce peuple divin. Et nous portons en nous cette lumière de l'espérance qui change tout, qui est capable de briller au milieu des ténèbres les plus profondes. Ce cierge que nous avons allumé tout à l'heure nous rappelle cela. Le Christ, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, a fait descendre du ciel la lumière de l'amour de Dieu pour l'allumer en nous et pour éclairer le monde. Alors ce soir, il faut que nous comprenions que pour que cette lumière brille véritablement, au point d'éclairer, nous devons prendre pour modèle le peuple d'Israël que nous contemplons à Jérusalem, l'humilité et l'obéissance de Siméon, d'Anne, de Marie et de Joseph. Il faut que nous comprenions vraiment que seulement cette humilité et cette obéissance sont le carburant qui permet à cette lumière de briller en nous. Nous avons besoin d'être humbles et obéissants pour que cette lumière brille et qu'elle éclaire le monde qui croupit dans les ténèbres. C'est la condition et c'est aussi ce que Dieu attend de chacun de nous ce soir. Venir humblement auprès du Seigneur pour recevoir sa lumière et accepter d'obéir à sa volonté en tout temps, en tout instant, qui se manifeste dans le réel de notre existence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.